بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ حمز العصا والألف العصا والمطوية. يعني أخذنا الألف لينة أولا على وجه العام. في كل ألف لينة؟ الألف الساكن قبله فتحة. نعم. طيب هل يوجد في أول الكلمة؟ لا. نجده؟ في الوسط العصا والأخير المطوية فقط. العصا يأتي في وسط الكلمة وفي الأخير. قبل هذا تكون هذه الألف تكتب على صورتين. سواء لفهم ده عصا باتون وسواء لفهم ده يا ألف متوية ثم. ما نفوس سواء كل مومو نكتب كل ده في وسط الكلمة. ومن المو سي. العصا. طول الوقت. وفي فن المو. إما العصا إما المتوية. شو كل التفصيل؟ العصا في الأحرف. في الأحرف كلها العصا. الحروف العصا حروف مبنية العصا إلا أيوة. ما هي الأربع إلا على إلا على إلا على بلا بلا حتى حتى أصنت أصل في أسمع جميل شو أسمع جميل نعم لا بس أسمع جميل إلا موسى وقارة وعيسى وكسرى ومتى نعم ساسي كل عصا إلا هذه اسمع كذا الألف الأسماء المبنية كله أيوة كله عصا صح الأسر عصا ها صح أيوة إلا أوي أن و متى ولدى وأولى والأولى فأنا أريد أن أقول أكثر من ثلاثي دائما يا أو دائما متوية نعم كما يمجد على ثلاثي صوف صوف يا C'est devant séparaya. Et voilà. Et la soulathia, c'est comment? Inma... Asma a fait la soulathia. Nombre l'asma, inma waw, inma ya. Ben kanal asma waw, c'est un asma. Ben kanal ya, c'est un mitre le fata, à la soulathia, matouya. C'est un asma à la soulathia. Certains, ils ont les deux. Et voilà. Deux liens. Ben duha, ya duha, nama. Taïeb. هل ندخل في الحروف التي تزاد في الكتابة الهاتف كنو رجود دون الكتابة وإجالما سنخوض التي تضاف إن شاء الله طيب مرسل الكتابة دي لاتف كنو نونس لكو نكريبا لو كنتر عفوان سن دي لاتف كنو نونس لكو نكريب ومنها الأليف والواو الأليف والواو أولا زيادة الألف كتسكو رجلت الألف تزاد في وسط والطرف كو ان ميليو و ان فان دو مو تزاد في الوسط في مئة مئتين ثلاث مئة إلى تسع مئة كم تلو مئة يسكري ميم أبقى ألف أبقى حمزة أبقى دوك لا سكوال الزايد سي الألف سكو تدي با مئة أ طيب يسكو كالا باز الألف ne possédait que par une fatha, pas possédé par une kasra. Donc ce alif là, les zaid. Alors, fil wasat, fi mi'at, wa akhawatiha. Wa tuzad fi taraf, fi thalathi mawadi'. En fin de mot, dans trois situations. Ba'd wa wal jama'a. Ba'd wa wal jama'a. Nahu, darabu, idribu, lam yadribu. Amen. يسمى هذه الألف ألف الفراق. et pour différencier entre waw jamaa et le verbe dont le son lam sera un waw. dans la dernière lettre c'est un waw. comme مثلا raja yarju. c'est quoi cette dernière lettre? un waw. daa yad'u. Donc là, c'est pour différencier que c'est un rôle jama'a, c'est pas non, et ce n'est pas la lettre du verbe. بعض واو الجماعة هذه الأليف تزاد لكن لا تنطق فسخي سلمة آخر الاسم المنصوب المنون وينتق بها عند الوقف الأليف دي نصب سفل أليف عواد وكان الله سميعا بصيرا على بصيرا سميعا سدو أليف على فان أليف نصب سوء أجوتة وقد تقدم الكلام على التنوين والحمد لله وكذلك ثالثا لإشباع الفتحة في أخير البيت الشعري وتسمى أليف الإطلاق dans la poésie des fois à la fin des mots on rajoute un alif pour compenser le wazn à la base il n'y a pas d'alif mais on va mettre un مثلا هنا يقول إذا كنت ذا ري فكن ذا عزيمة فإن فساد ري أن تتردد هنا شاهد أن تتردد à la base أن تتردد بفتحة المنصوبة هذا أن لا ذنب الإشباع زدنا ألفا في آخره تقول أن ترى أن تتردد هكذا ألف لا إلى أجوته فقط يسكون نص جقوة شو لا هذا ما يعترف بالألف فقط لأجوده ألف من نوع زيادة الواو فقط يسكون نص الواو تزاد في وسط الطرف كذلك ومن يدمو وفنمو تزاد في الوسط في ثلاثة مواضع أولا اسم إشارة أولى وأولائي وأولئك أولى وأولائي وأولئك ولخيان واو أقول حمزة من الزائد parce qu'on prononce pas on dit pas أولئك on dit أولئك il n'y a pas de mède à la base mais le واو s'écrit ثانيا كلمة أولو الملحقة بجمع مذكر سالم كمثلا تدي وكذلك في حالة نصبها وجرها أولي إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب مثلا فهنا كلمة على بس أولو لو كون إخي دون الأقل حمزة سمو دي با أولو ودي أولو هذه الواو المكتوبة هي زائدة راجوتي Ça, c'est pas un vrai djem Muzakar Salim, c'est un mouhak. Pourquoi ? Ma'ala moufrad nabzi, ahsan. Wa kalimat ulati al mouhak bi djem mouanath asalim. Son féminin, en fait. Le pluriel, c'est ouloun, à la base. Mais à la base, il vient moudaf, donc on enlève le noun. Et son féminin, c'est ulat. Donc là, le waw dans ulat, il est zaïd, à kadhalik. Donc ça, c'est dans le wasat. اسم الشارع كلمة أولو وأولات وتزاد في الطرف وفنمو في كلمة عمر عمر اسم بخنو عمر بكم من الثواو عمر عارف السبب عليك عمر أحسنت وعمر إلى كل مومون الواو دو عمر ونولف قلت لي منصوب رأيت عمرا تمي باد واو تمي أليف directement السبب ماذا؟ Parce que Omar, il est ممنوع من الصرف. Donc dans le raf et dans le jar, si on ne met pas de tashkil, tu ne le verras pas. Mais dans le nas, tu vas le voir. Si tu vois un tanwin nas, vous allez dire que ce n'est pas Omar. Parce que Omar, il est ممنوع من الصرف, il n'y a pas de tanwin. Donc si tu vois Ayn, Mim, Ra après tanwin, c'est Amr. Ce n'est pas Omar. Tamam? Alors, c'est le sabab. Donc Amr, nazil wawan, fi akhirihi. تفريقاً مع كلمة عمر pour différencier avec عمر car les deux si on ne met pas de tashkil ils ont la même forme عين ميم را qu'est-ce qu'on a pris quand on rajoute ou plutôt نعم quand est-ce qu'on rajoute un alif et un waw en milieu et en fin de mot ثم قال الحروف التي تغذف في الكتابة الآن العكس les lettres qu'on enlève dans l'écriture mais qui se prononcent, mais qui ne s'écrivent pas. Ashharuha, les cite pas tous, les plus importantes. Ashharuha, Hamzatul Wasl, wal alif al-layyina, wal waw. Awalen, Hamzatul Wasl, تحذف من المواضيع التالية. هناك تتنولي بلواء حمزة دولة كتابة لبلجع تحذف من كلمة اسم في البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم تكري لباء جاكت موسين أبخي Donc là, le Hamza, on enlève. Ils s'interdisent que même si tu dis Bismillah, Kazalik, tu peux l'enlever. Il y a Juz. Deux te disent non, il faut que ce soit Bismillah, Rahman, Rahim, Kamil, pour l'enlever. Si tu dis Bismillah, Fakot, tu as tout bel alif. Il y a un khilaf par rapport à ça. Thanien, Tourzef, min kilimet ibn. Ils évoquent Aad bin Alamein. Maintenant, souvent, tu verras, Mesalen, Mohamed ibn Foulen. Les gens ne savent pas. Quand est-ce qu'on met Hamza, quand est-ce qu'on ne le met pas? Là, il va te dire à quel moment tu ne le mets pas. قال بين اذا وقعت بين علامين entre de nom propre et peu importe que ce soit un laqab ou une kunya tout ça sont dans l'alam d'accord اشتهر اولهما بالانتصاب للثاني voyez c'est-à-dire le premier il est mansoub au deuxième c'est-à-dire c'est Mohamed ibn Ibrahim c'est Mohamed fils d'Ibrahim c'est pas le nasab ما نصب نصبت محمد إلى إبراهيم نحو عمر بن الخطاب أبو بكر ابن أبي قحافة علي ابن أبي طالب محمد ابن الحنفية المقداد ابن الأسود محمد ابن الأمير تمام واشترط في العلم الأول ألا ينون Il faut que le premier nom, il ne faut pas qu'il y ait tanouin. Tu ne dis pas Mohamedoun ibn al-Hanafiyya, mathalan, al-Hanafiyya. Pourquoi? Parce que tanouin, c'est un nom sakin. Et le nom de Ibn, il est. Donc on aura quoi? Donc quand tu vois que les maîtres, derrière il y a un Ibn qui vient derrière, tu ne mets pas de tanouin. Tu dis Mohamed ibn. Omar ibn. Ça veut pas dire qu'il y a en fait c'est... Moi je regardais parce que je pensais qu'en fait il veut souvent Mohamed ibn et je pensais qu'en fait c'était Moudar. Là là là. Là Mohamed ibn, c'est pas Mohamed ibn. Le Moudar c'est ibn et après c'est l'autre qui est Moudar fi layy. Tamam? Ujtarat fi alam fi al-alam al-awwal an la yunawwan. Faut pas que le premier soit munawwan, faut pas qu'il tanwin. Wa fi ibn an yakun mufrada. Faut pas que soit jam abna. Faut que soit mufrad singulier. ونعتن الاول للصفه سنيا راس كي بيت صفه البرومير وغالب منفصل عنه بفاصل وليس اول السطر فوكي بين ديريكتومون ابره لو اسم تمام اي سور لا ميم لين سارتان ديز دونك انتر دو اسم علم تمام وكون تي وا سا تيكري ابن بدون حمزه الوصل ثانيا اذا دخلت عليها حمزه الاستفهام C'est un hamza istifham qui rentre sur un hamza al-wasl. Wa lam takun hamza al-wasl mimma tuntak maftuhatan 'inda al-ibtida biha. On avait dit ça au début. Quand hamza istifham il rentre dans un hamza al-wasl, on enlève hamza al-wasl. Allez, mais ça tu veux dire ibnuka hadha. Tu veux pas dire a ibnuka hadha. Asmuka 'Ali. Astaghfarta rabbak. اتخذتم كذا دونك اسم ولا حمزه وصل يسكري با داكور نحو انت لقاضي صلى لي بري تتقبل في الكتاب في احكام حمزه الوصل اما اذا كانت الحمزه تنطق مفتوحه فانما ترسم مادا داكور سي سي حمزه وصل كي سبونس مفتوح على باز لا سمونس مد Et ça, on l'avait dit au début du livre, si jamais c'est L. Si jamais c'est L, et qu'il y a un hamza istifham qui rentre, on va faire un med. Bah, ça donne, tu dis, L-N, Allah, Al-Zakarain. D'accord ? Wa hadhaka al-marra bina. La différence qu'il dit, au début du livre, il a dit, si jamais c'est un L, et qu'il y a un hamza istifham qui rentre, on va faire un med. Et là, il dit quoi ? Si jamais le hamza al-was, tu le prononces maftouh, avec une fatha. Mais c'est la même chose, en fait. طيب رابعا تضف من آل التعريف اذا دخلت عليها اللام بانواعها دكا سميت ان اسم كي commence par l et qui a un حرف لام qui rentre dedans طلب الحمزة نحو وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك على بس إنه طيب لم أبقى الحق فلو نلغي الحمزة وللآخرة خير لك كذلك وللآخرة خير لك نفس الشيء للفقراء الذين تمام للفقراء على بس لي الفقراء Là, on ne dit pas ça, on dit l'il fukara. On enlève le hamza. Ya l'allahi l'il muslimin. Ça, c'est dans l'isti'aza. On n'a pas encore pris ça. Dans le soubat, dans le nida. Pas même. Donc, si il y a un harf lem, tout seul qui rentre, lem tokid, lem l'jar, lem muzaharaka, comme on l'a appris, dans un kelima qui commence par l, on enlève le hamza. أما في الكلمة مبدؤة باللام فإننا نحذف التعريف من الصيامو كي على باس كما اسمع لم دكور الصيامو كما اسمع لم alors on enlève quoi à ce moment là L يعني الصيامو on a un لم qui rentre on a un mot كما اسمع لم Après ce mot-là, on lui rajoute « l » au début. Après, il y a un autre « harf lem » qui rentre dedans. Le même « lem » « lem tawkid » « lem ljar » et ça. À ce moment-là, on enlève quoi ?« l » complètement. On enlève le « hamza » et le « l ». Mathalain, « allawz ». C'est un « allawz ». À la base, c'est « l » et plus loin, « lawz ». D'accord ? Si on rentre le « harf ljar », on va dire « lillawz ». On enlève quoi, là ? Le Hamza. Par exemple, Al-Laban. Si on met le Lam, on dit Lil-Laban. Al-Hawu. Tu dis Lil-Lahu. Kazalik, Mislwa al-Asma al-Mawsoula, Allati tuktabu bil-Lamayn. Les Asma al-Mawsoul, qui ont deux Lam. Comme Al-Lazayni. À ce moment-là, si tu rentres l'aim, ça veut dire, tu vas mettre quoi ? Lillazaini. Allataini, lillataini. Allati, lillati. Allai, lillai. Tout cela, le L, avec le Hamza, il part. Amma, alladhi, wallati, wallazina, feina l'aim, huzifat li kasat l'istirmel. Feiz dakharat alayha l'aim, tuzafu le Hamza fakat. À la base, alladhi, واللاتي والذين tant à mon emploi qu'on enlève le deuxième lem. D'accord ? Donc si jamais on rentre lem, un autre lem dedans, comme au début on a dit, à ce moment-là on enlève juste quoi ? Le hamza. Ça tu vas dire lilladhina, lillati, lilladhi. Khamisan. إذا اجتمع في كلمتين حمزة الوصل بعدها حمزة ودخل على كلمة واو أو فاء نحو وأمر فأذن وأتوني تمام على بعض هنا أفعل كي كمانس بها حمزة الوصل أبقى سفي بها حمزة داكور سفي بها حمزة Si jamais ce fi'al est précédé par un wa ou un fa, on enlève le hamza. On met directement salen, comme on l'a dit là, wa'mur. Wa'mur. Parce qu'à la base, ça aurait été quoi ? Si on avait eu le hamza, après, on aurait eu un hamza de wasl, et après, hamza de kotr. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On aurait eu Hamzat al-Wasl. Et après lui, Hamzat al-Qatr. On aurait dû faire quoi ? Ahmed. Là, il n'y a pas de Med. Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le Hamzat al-Wasl et on met le fait le waw direct. Et tu vas dire Wa'mur. Wa'zan. Wa'touni. Et là, en dessous, t'écris là, c'est quoi la base du mot ? À la base, c'est Wa'mur. T'as un Hamza, d'accord ? Et après t'as un Hamza Sakin. طيب. Donc ça c'est ce qui concerne le waw, le hamzat al-wasl. ثم الالف اللينه. À quel moment on enlève? تُعْذَفُ فِي مِنَ الْوَسَطِ وَالْتَرَفِ كَذَلِكَ. En milieu en fin de mot. تُعْذَفُ مِنَ الْوَسَطِ فِي الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ. On a dit alif al-layyinah, à la base il y en a deux, soit asa soit matwiya. Tamam. لفظ جلالة الله. Car à la base, après le deuxième lem, tu as un alif. Tu dis Allah. Il y a un med. Ce alif ne s'écrit pas. وَإِنْ لَحَكَتْهَا الْمِيمِ. Quand tu dis Allahumma. Pareil. On n'écrit pas un alif après le lem. Tu écris pareil. Donc tu rajoutes quoi? Un mime après le ha. Donc Allah, le alif s'enlève. Ar-Rahman. Vous voyez? Ar-Rahman. Ar-Rahman. À la base, on sait Ar-Rahman avec Ahmed. Seulement, le alif ne s'écrit pas. Bi-shart en tu'arraf bi-el. Wa-ila asbatta al-alif. Rahman. Si elle avait écrit Ar-Rahman avec elle, Ar-Rahman, tu n'écris pas d'alif après le mime. Si elle avait écrit Rahmanun, ou belle, Rahmanu. Parce que c'est un mamoun nasaf. C'est un wasf avec alif ou nun. Zaidatan. Rahman. Et à ce moment-là, tu mets le alif. S'il n'y a pas de L. Ilah. Kalimat ilah. À la base, après le lem, tu as un alif. C'est comme Allah. Parce qu'à la base, Allah, ça vient de ce mot-là, de ilah. Ouin. Ghurifa billem. Auridafa. Nahu. El ilah. Ilahukum. Ilahuna. Même s'il est. Tu as L qui est en dedans. Ou qu'il est rendu moudaf. Il n'y a pas d'alif. Tu ne crées pas alif. Tu crées l'ilah directement. Rib ilah. Hamza, lem wa ha. Et pas de alif entre le lem et le ha. As-samawat. À la base, samawat, après le mime, tu as un alif. Tu dis samawat. Le alif, après le mime, tu ne l'écris pas. Lakin, wa lakin. Après le lem, de lakin, tu as un med. Donc quand tu prononces. Et lakin, kazalik. Ils ne s'écrivent pas. Oulaika. Vous voyez ? أولئك اسم إشارة هنا أولئك أبقى للم هنف ألف لكن لا يكتب فهذا هو لكي يكون الكاف الذي يتعطى في نفس الوصول أولئي تماء تمام تماء هكذا ونفس الشيء هذا وهذه وهذه وهذان وهؤلاء وهكذا تصل لها تنبيه comme début d'Ismu Shara, fi alif, lakin la yuktab. Tu prononces hadha, mais t'écris hadha. T'écris pas l'alif. Kazalik, zalika, wa zaliki, wa zalikuma, wa zalikum, wa zalikunna, wa kazaliki, ou kazalika. Tout cela, à la base, za et alif. Entre le zel et le lem. Tu ne l'écris pas. D'accord ? Il ne s'écrit pas. ثانيا تغذف في الطرف في ما الاستفهاميه ما الاستفهاميه اذا جرت سي حرف جر كي اون ددون تولف لو الف مثلا مما على باس سي كوا لو اصل من ما تفني دروم دو مين دون الما تولف لو الف دي مما مما ذكر مثلا مما ذكر المؤلف يغذف كون تو الما سا بيت كوا اسم موصول. Ça va arriver après, Inch'Allah. Amma. À la base, c'est an, ima. Donc, tu dis amma. Bima. Kazalik. À la base, c'est bima. Fima. Taïeb. Si jamais tu mets Ali, ça va être ism mawsoul. Donc, c'est pour différencier entre ma istifhamiya ou al-mal mawsoula. Lima. Et tu peux aussi mettre des fois ha sect. Tu dis lima. Fima. Ça s'appelle ha sect. Et tu rajoutes à la fin d'un mot. Il y a jouz. C'est pour quoi ? C'est pour tous les mots. C'est pour le wakf. Pour tous les mots. Là. C'est pour cela. Dans d'autres également. Dans cela, tu peux le mettre. ila ma. À la base c'est ila ma. Fahimt? حرف جر الى كلاس الى ما علامه على بس على عقب ما حتى ما على بس حتى في الوما بمقتضى ما سلو جو كونسي با طيب بمقتضى ما دونك لا سو مولا لو الف لا تكتب ولا تكتب ثالثا الواو وفينير الواو تورزافو من الوسط في كلمة الآتية داود على باز سي داود après le deuxième premier واو t'en as un deuxième طاووس على باز t'as deux واو وهاون على باز t'as deux واو on les a enlevés لكراهة التكال المتماثلين يعني تولي الأمثال وهكذا là ce sont les حروف qui s'enlèvent les plus importantes il y en a d'autres هذا هو الأهم والأشهر تمام فهمت هذا طيب هذا ابقى سي دي شوز كونو على باس الحمد لله فنقف هنا والحمد لله رب العالمين